Alors, je ne vais pas faire d'appel aujourd'hui de nos frères et de nos sœurs désincarnés. Il s'agit tout simplement d'un partage pour le bien de notre âme, de comprendre les relations qui se passent entre notre monde visible et le monde invisible. Je commencerai directement ce partage par une prière. Donc, si vous voulez tous être avec nous, ô Jésus, couvrez-nous de votre précieux sang et emplissez-nous d'un Esprit Saint, afin que nous puissions discerner si ces paroles viennent de vous. Rendez-nous humbles d'esprit, recevez nos prières avec miséricorde et ouvrez notre cœur à la vérité. Seigneur, envoie-nous un esprit d'éclaircissement, d'entendement et de compréhension pour le partage qui sera fait pour ceux qui voudront bien écouter. Alors le texte que nous allons partager aujourd'hui, dimanche, nous sommes le 16 juillet 2023. Alors nous allons étudier un verset de Luc, chapitre 12, verset 20. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Et donc ça, c'était une phrase de notre Seigneur. Dans tous les rassemblements humains vibre la tentation du gain. L'esprit de profit touche les domaines les plus simples. Des enfants qui sont à peine sortis de l'enfance démontrent de manière égoïste de l'intérêt à accumuler. De nos jours, des quantités de mères abandonnent leur foyer à des inconnus durant plusieurs heures par jour pour goûter à la mine lucrative. En ce sens, la majorité des créatures convertit la marche évolutive en une course inquiétante. Au-delà de la tombe, qui est la ligne d'arrivée de tous ceux qui sont sortis du berceau, la vérité attend l'homme et demande: qu'as-tu apporté? Le malheureux répondra qu'il a rassemblé des gains matériels et qu'il s'est efforcé de s'assurer une situation tranquille tant pour lui que pour les siens. Pourtant, à l'examen de ses bagages, on constate presque toujours que les victoires sont de fracassantes défaites. Elles ne constituent pas des valeurs de l'âme, ni ne portent le sceau des biens éternels. Arrivé à une telle situation, le voyageur regarde en arrière et il a froid. D'une manière inexplicable, il s'arrête au résultat de tout ce qu'il a accumulé sur la croûte terrestre. Sa conscience inquiète se remplit de nuages et la voix de l'Évangile retentit dans ses oreilles. Pauvre de toi, parce que tes profits ont été des pertes désastreuses, et ce que tu as amassé, qui l'aura? Alors voilà un joli texte, justement, qui nous recentre sur la différence entre les biens terrestres, mais aussi les biens célestes, qui eux sont éternels et survivent à tout. Alors, on va se remémorer un petit peu aussi ce que nous vivons à travers notre siècle, puisque de grandes découvertes ont été mises en avant. Alors, je parle moi en termes je vais dire d'expérience dans la médiumnité, étant donné que bon, je n'étais pas du tout là-dedans, j'étais dans la science, dans la biologie, la pharmacologie, la recherche et le développement. Et lorsque tout ça m'est frappé à travers des phénomènes, eh bien, je me suis mis à entendre, à voir, et je ne parlerai qu'en termes de mon expérience propre et personnelle, et sachant que je n'étais pas du tout seul à les avoir vécues. Donc, cela m'a permis de savoir que je n'étais pas fou. Alors moi, à travers mon incarnation, je vais parler un petit peu de mon expérience, puisque ici, il s'agit d'une expérience vécue. J'ai commencé à différencier les biens qui sont sur Terre et qui finalement, on va devoir les quitter. Ça, c'est un fait patent. On est tout nu, on ressort les pieds devant, sans rien. On arrive avec rien, on repart avec rien. Et c'est vrai qu'avec les personnes qui sont désincarnées de l'autre côté, ils nous en disent pas mal justement qu'effectivement c'est un fait patent. On est avec rien, on va ressortir avec rien. Enfin, on ressort, oui, mais avec quelque chose, mais qui n'est pas d'ordre matériel. Alors, dans notre incarnation, il explique effectivement, on peut se donner bonne conscience en allant à l'église, en invitant le curé à la maison. Mais le véritable travail, ce ne sont pas dans les apparences qui parfois sont vraiment trompeuses. Les apparences sont même des fois funestes, puisqu'elles donnent la directive à l'âme ou à la personne incarnée de faire ça, ça, ça, ça pour se donner bonne conscience. Mais ça ne reste que des aspects externes pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Il faut regarder, puisque Dieu nous dit, Dieu sonde les reins et les cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous allons faire, et je parle de l'ordre de l'esprit, donc ça veut dire de l'ordre de la pensée. Si la pensée, l'intérêt de ce qu'il y a dans nos reins et nos cœurs sont orientés vers la charité, sont orientés vers le bien, que fait scientifiquement le cerveau? Qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau? Alors, il y a des études à Harvard qui disent, effectivement, entre un bouddhiste et une personne quelconque, et bien, lorsque la personne se met à réfléchir, à travailler sur elle-même, il y a une émanation, une irradiation, quelque chose qui se passe au niveau cérébral, mais c'est surtout au niveau du lobe frontal. Alors, il y a une différence, effectivement, d'intensité entre une personne lambda et, par exemple, un moine bouddhiste ou quelqu'un qui fait de la méditation. Et on a remarqué qu'il y avait des effets, des bienfaits. Alors effectivement, après la tombe, le cumul de ces pensées, on obtiendra un résultat, tout simplement. Plus ou moins bien, plus ou moins réussi. Alors le moins bien va devoir être retravaillé éventuellement par d'autres, peut-être d'autres incarnations, d'autres passages dans la matière, alors que ce soit sur cette planète ou ailleurs, puisque il n'y a pas que cette planète. Dans les communications que j'ai eues, effectivement, il y a autre monde, donc ce qui rejoint un petit peu les paroles du Christ, et je l'ai reçu par TCI, hein, il y a autre monde, il y a d'autres mondes, sur le coup, moi, je n'ai pas compris, et c'est vrai qu'en vérifiant, en étudiant ce que Christ a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc ça, c'est un fait patent, ça vient recroiser les TCI plus les évangiles, plus l'expérience que j'ai pu vivre avec les personnes du purgatoire, et Dieu sait que, oh oui, Jésus a raison sur vraiment toute la ligne, et il n'a pas été considéré pour rien comme l'imminent docteur divin. Alors, il faut un petit peu qu'on commence un petit peu à travailler sur nous-mêmes, dans le sens, ben voilà, est-ce que mes pensées ont été bien orientées? Est-ce que mes pensées sont d'ordre d'égoïste, c'est pour ma part, ou est-ce qu'elles ont été dénuées d'intérêt? Et plus l'âme va vibrer dans ces aspects-là, dans l'aspect de la charité vers son prochain, comme Jésus nous l'a dit, d'aimer son prochain, notre propre esprit va sécréter, comme le corps sécrète des hormones, eh bien l'esprit va sécréter des pensées. Et ces pensées, ben, plus elles sont épurées, plus elles sont intrinsèquement orientées vers la vibration de la charité, je dis bien la vibration, et l'âme va se régénérer beaucoup plus vite. Hein. Il est prouvé scientifiquement, effectivement, que lorsqu'on médite, lorsqu'on est calme, lorsqu'on est pensé, lorsqu'on se pose les bonnes questions, et Dieu sait qu'avant je n'étais pas du tout, j'étais plus dans le bouddhisme, je n'étais pas du tout dans le christianisme, mais il est vrai que ben, quand il y a des esprits qui se manifestent, qui se montrent à vous, qui vous disent des choses, ben, et à un moment donné, on va étudier un petit peu le livre d'Alan Kardec, et on se dit, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais tout est lié. Lorsqu'on fait de la réflexion et de la raison et de la logique, eh bien, on se rend compte que la science prouve la religion, que la religion prouve la science et prouve la philosophie et donc améliore la qualité de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a amassé dans notre vie? Ben, c'est un bilan de nous-mêmes. Hein. Combien d'expérienceurs dans la vie, des témoignages à travers le monde qui nous disent, j'étais avec des êtres de lumière qui me disent, mais comment as-tu aimé? Voilà, en gros, bah, qu'as-tu produit? As-tu produit du bon fruit? As-tu produit des bonnes pensées? Et de quelle nature ont-elles? Emprise d'égoïsme? Est-ce que c'était du narcissisme? Est-ce que c'était de l'orgueil mal placé alors pour se faire voir du monde? Non. Effectivement, on fera un bilan avec ça et l'âme aura vibré plus ou moins charitablement dans sa divinité. Puisque Jésus nous l'a dit, nous sommes tous dieux, nous sommes des dieux. À un moment donné, je crois qu'il avait dit ça. Alors, je n'ai pas une grande culture plus que ça approfondie. Je ne suis pas un homme de théologie. Mais de ce que les esprits m'ont donné et de ce que j'ai étudié de par l'expérience, je ne peux que témoigner. Je constate, oui, effectivement, que Christ a dit pas mal de choses dans ses enseignements qui rejoignent les communications, mais aussi les expériences, des expériences de mort imminente. Et les questions qui ressortent le plus, hein, on peut faire une étude, il y a énormément de thèses médicales sur les EMI où les personnes ou les expérienceurs vont nous dire. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour ton prochain? Alors, on peut se poser la question à nous-mêmes. Nous sommes encore dans la chair régénératrice. Et on va se dire, comment on vibre à l'intérieur? Est-ce qu'on a une hygiène mentale? Est-ce qu'on fait un petit peu comme ces moines bouddhistes qui ont été étudiés à Harvard, qui ont été un petit peu étudiés, expériencés avec des cérébroscans, etc., pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité frontale du cerveau? On se rend compte que oui. C'est l'âme qui gère, c'est l'âme qui va gainer, qui va se gainer, qui va faire de l'entraînement et qui va se régénérer. Et son rapport avec le test, effectivement, normalement, quand on va à l'hôpital, c'est pour guérir. C'est pour ne moins souffrir. Hein, on ne prend pas un abonnement à l'hôpital juste histoire de faire des passages là-bas. La Terre, c'est la même chose. C'est une planète qui sert à la régénération de l'âme. Alors, on y va. Alors, pas que la réincarnation n'existe pas, puisque moi les esprits m'ont dit des choses que j'ai été vérifiées, que j'ai constatées sur place. La réincarnation n'existe pas. Par contre, les passages sur Terre existent, hein, parce que tel qu'on l'entend la réincarnation, et ce que j'ai pu apprendre, c'est ça qui m'a confronté, puisqu'il y a des apparitions de la Vierge, où la Vierge a dû dire, mais la réincarnation n'existe pas. Oui, mais... La réincarnation, comme on l'entend, qui est automatique, c'est-à-dire on se réincarne, on est, on meurt, on se réincarne de nouveau, on est, on meurt, on se réincarne, on est, et continuellement, and so on, ça n'existe pas. Par contre, effectivement, si on considère que la Terre est un hôpital de régénération, de salut, hein, parce que les esprits parlent beaucoup du salut, donc c'est-à-dire de la guérison de l'âme, c'est un petit peu le même principe de l'hôpital. On va pas tout le temps à l'hôpital, on y va seulement quand nous, esprits, on en a besoin. Donc on revient sur Terre dès qu'on en a besoin de faire des travaux de compréhension pour régénérer notre âme, pour la guérir des maux moraux que nous avons eus de par le passé. Mais on ne s'incarne pas, on ne se réincarne pas systématiquement. Donc oui, la réincarnation telle qu'on l'entend n'est pas bonne, elle n'est pas juste, elle est erronée. Donc oui, non, elle n'existe pas. Mais la réincarnation, on va dire, pour le bien de l'esprit, dès que c'est nécessaire, eh bien, il se replacera dans la chair pour régénérer. Comme un patient ira de nouveau à l'hôpital. Alors, quand il va sortir de cet hôpital, est-ce que il a suivi bien le traitement du médecin? Et les médecins sont d'ordre spirituel, ils ne sont pas d'ordre physique. Alors, effectivement, il y a des personnes qui vont s'incarner pour orienter, mais la plupart... On va dire, surtout dans nos activités terrestres actuelles, on se rend compte que tout le monde échoue. Il y a pas mal d'histoires, il y a pas mal de scandales, et ça, c'est un petit peu dommage. Et on se rendra bien compte de l'autre côté, effectivement, qu'est-ce qu'on aura ramassé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir après la tombe? Eh bien, le maître l'a dit, nous serons maîtres de nos propres œuvres. Nous aurons récolté ce que nous avons semé et... Il y a encore une autre expression que j'aime beaucoup et qui est très représentative. Celui qui a fait périr par l'épée, eh bien, périra de nouveau et à nouveau par l'épée. Alors, en gros, on peut l'appliquer à tout. Si j'ai dans ma vie actuelle, j'ai dans mes pensées, j'ai détesté les homosexuels ou les prêtres ou les femmes, etc. Eh bien, si dans cette vie tu as vécu comme ça, l'énergie que tu as produite va falloir faire marche arrière, c'est-à-dire que pour faire une énergie positive et la remettre à zéro, disons que tu as eu, par exemple, normalement la neutralité, par exemple, d'une énergie, elle est de neutre, elle est zéro, pour être stable. Lorsque tu as fait un excès, donc en positif, hein, je ne parle pas du positif, que c'est le positif et le négatif, c'est bad. Non, en positif, comme une échelle de température, pour retrouver la neutralité, il faut que tu fasses l'inverse. C'est-à-dire que si tu as monté ton cran de 10, il faut que tu ailles dans le cran du moins 10 pour retourner à 0. Il faut que tu le neutralises. Donc, je donne un exemple. Alors, je vais donner mon exemple à moi que j'ai eu à travers la médiumnité, à travers les études bibliques et de ce que j'ai pu comprendre. Et de ce que j'ai expérimenté, de ce que les esprits m'ont donné comme information et que j'ai été vérifié directement sur place, eh bien, lorsque on maîtrise la personne que j'étais avant, était homophobe, il ne comprenait pas, il se mettait dans des colères pas possibles, dès qu'elle avait entendu que son ex-compagnon était avec un autre homme, etc. Alors ça devenait intrinsèque, un dégoût complet, et une chasse aux sorcières pas possible. Et donc, dans sa production d'esprit, eh bien, elle a produit des mauvaises énergies, qui fait que ça a abîmé son corps spirituel. Arrivée désincarnée, donc là je parle en 14-18, eh bien cette personne a eu pas mal de problèmes, et les médecins de l'au-delà, puisqu'effectivement oui, il y a des médecins qui viennent pour une, nous améliorer dans nos corps, mais aussi pour nous aider à nous régénérer de par nous-mêmes. Alors le meilleur moyen, comme moi dans mon ancienne incarnation, j'ai monté mon cran homophobe de plus 15, eh bien le meilleur moyen pour remettre à zéro, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire ben, de faire moins 15. Alors si on était homophobe, eh bien il faut aller dans l'inverse, c'est-à-dire être homosexuel. Et vivre, pouvoir redresser et redresser à la normalité, c'est-à-dire l'harmonie. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a gagné? Je vais arrêter ici, puisqu'il y a encore d'autres choses qui peuvent en découler, si ça peut aider. Mais c'est vrai que là, dans ce texte, qu'est-ce qu'on a amassé? Il faut se poser la question, effectivement, dans ce mécanisme de l'âme, lorsqu'on est dans l'incarnation, quel a été l'état propre de nos pensées? Quel a été l'intérêt que nous avons fait? Est-ce que nous avons réfléchi? Est-ce que nous avons fait le mal par ignorance ou parce qu'on était égoïste? C'est ça qu'il faut aller regarder, il faut s'analyser. Et il n'est pas rien que même nos prêtres, et je dis pas je parle des bons prêtres, qui nous disent oui, il faudrait faire une analyse, se réveiller le matin, nous dire ouais, on est encore dans la chair, on peut encore régénérer encore une journée de plus que le Seigneur nous donne, et à la fin de la journée, faire un bilan. Hein, comment ai-je pensé? Est-ce que j'ai fait des choses de mal? Est-ce que je vais repenser ma journée? Comment j'ai agi et interagi avec les autres? Puisque c'est à partir de ces interactions, que ce soit un prêtre, que ce soit une prostituée en face de nous ou un homosexuel, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Ai-je eu une perturbation ou pas? Si je n'ai pas eu de perturbation, donc j'ai agi normalement, est-ce que j'ai fait preuve de charité? Si j'ai eu cette perturbation, comment l'ai-je contrôlée? Puisque la perturbation, elle ne vient pas de mon corps physique, elle vient de mon âme, elle vient de mon esprit. Et c'est ça qu'il fallait travailler, parce que c'est cette perturbation-là qui est la cause de nos tourments dans l'au-delà et qui nous pose des problèmes. Alors, on a tendance à vouloir mettre ces perturbations de côté ou à détruire notre voisin ou à le retirer ou à le repousser. Ben non, justement, il faut faire l'inverse. Du plus 15, il faut aller au moins 15 pour retrouver l'harmonie à zéro. Alors, il faut comprendre, puis il faut pardonner. Il faut surtout aller voir ces perturbations-là parce que ce sont nos maux d'âme. Alors, dans la chair, effectivement, on ne le sent pas beaucoup dans la chair. On ne le sent pas beaucoup parce que la chair anesthésie un esprit dans la chair, dans l'incarnation. Et puis, elle absorbe aussi. Puis, plus on part dans ces énergies négatives, de stress qui va stresser notre esprit, eh bien, on va se retrouver avec des symptômes. Je prends toujours l'exemple, quand je parle avec nos frères désincarnés, aujourd'hui, vous savez, quand je passe un examen, j'ai le trac. J'ai mal au ventre. Mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait mal au ventre. C'est mon esprit qui s'est perturbé et qui a provoqué un symptôme. Donc, ça montre bien, par la loi de cause à effet, qu'effectivement, c'est bien notre esprit qui va avoir une action sur notre corps physique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, après, ça passe. Mais si on retire notre corps physique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mot que j'avais, bon, qui faisait me palpiter mon cœur, me faire mal à l'intestin pour aller tout en toilette avant les examens, eh bien, j'imagine que là, c'est une traduction d'un symptôme localisé, et que si j'enlevais mon corps physique, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, la perturbation irait des pieds à la tête. Alors, avoir mal à l'estomac, des pieds à la tête, ça doit être un vrai tourment, puissance 10. Donc, effectivement, ça prouve bien que quelque part, il faut aller regarder à l'intérieur, connais-toi toi-même, il faut regarder à l'intérieur, voir c'est quoi ces perturbations. Ça peut être de différentes choses, hein. Incompréhension, ignorance, cela peut être également de l'ego, de l'orgueil aussi mal placé, donc il faut aller travailler là-dessus, faire preuve d'humilité, peut-être un manque d'humilité. Voilà, il y a plein de choses, donc effectivement, notre incarnation, c'est ça. Elle sert à ça. Et voilà. Donc, quel est le gain, finalement, pour revenir à la normalité? Parce qu'on sait très bien que, ah, mais moi, je suis heureux, je suis bien. Et oui, mais non. D'accord, tu es bien, tu es en exaltation, mais ça aussi, c'est une perturbation. Et moi, je compare toujours aussi, bah, regardez un petit peu, les bouddhistes, ils ne sont pas en excès, ils ne sont pas en insuffisance, ils sont juste à la neutralité de l'âme, la paix. La paix, ce n'est pas la super joie, ce n'est pas la super tristesse. La paix, c'est être en contrôle, c'est être neutre devant tout ce qui se passe devant, et ne pas avoir de perturbation, d'avoir cette véritable paix. Et la véritable paix, bien, effectivement, c'est nous-mêmes qui devons la faire pour nous-mêmes. Mais il faut avoir le meilleur guide pour pouvoir nous permettre d'apprendre à faire cette paix. C'est un petit peu la paix du Christ, que le Christ a souhaité pour ses apôtres. Les apôtres ont été très riches d'enseignements également, puisque eux aussi ont eu cette médiumnité. Hein, on parle d'esprit, d'apparition, ils entendaient des voix, c'est de la médiumnité. Donc il faudrait un petit peu arrêter de faire l'hypocrite, surtout au centre du catholicisme, de rejeter un petit peu le spiritisme et de l'étudier sincèrement, parce que sinon c'est de l'hypocrisie. Et croyez-moi que vous revenez très vite au Christ, mais dans les réelles réalités, dans les réelles on va dire les réelles, la réalité finalement, la réalité de ce que Christ a enseigné aux apôtres et ce que les apôtres ont dû véhiculer. Donc voilà, voilà pour ce texte qui, pour moi, quel est le gain? Alors effectivement, bah, une vie c'est bien. Une vie, on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt quand on est dans la chair, mais quand on est esprit, on sait très bien, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons planifié. Et donc, le fait qu'on soit dans la matière et qu'on ne sache pas exactement, eh bien, on fait tout le temps l'effort, constamment. On veille, on prie et on continue de travailler sur soi. Parce que si on le savait, oh bah là, je fiche rien, je sais que je meurs demain, oh bah je m'y mettrai demain matin. Mais sérieusement, on ne fera pas la même intensité et l'âme n'est pas entraînée. Hein, comme à l'hôpital, alors moi je prendrai mon traitement à la fin, comme ça je dirai au docteur, il peut me faire sortir. Ça ne marche pas comme ça. Ou alors, bah oui, je veux être en forme, je vais être super en forme, je ferai juste mes exercices de cardio à la fin, mais pendant ce temps-là, je serai à la buvette, au club de sport. Ça ne sert à rien. L'effort doit être constant. Veillez, priez. Veillez, priez sur notre âme, la charité envers soi-même en premier et ensuite envers les autres, mais aussi déjà quand on est bien loti, on peut la faire directement sur les autres, sans pour autant heurter l'humilité, pas pour heurter la personne qui est en face de nous. Hein. On va dire la charité cachée, c'est très très bien aussi. Et non celle qui est visible sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, où tout le monde se montre, ah, moi j'ai de l'argent, voyez, je fais le bien. Non, lorsque tu vas prier, ne sonne pas la trompette trois fois. Enferme-toi dans ta chambre et prie dans le noir. Et sois intime avec le Seigneur. Bon, eh bien écoutez, voilà pour ce petit partage. Merci infiniment pour effectivement votre présence, mes chers frères. Alors sachez que bon, j'ai décidé de faire un podcast pour partager. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne fais pas l'appel des personnes qui se sont présentées, mais au moins que ça ait pu profiter à nos frères désincarnés, mais aussi incarnés, puisque cette bande sera placée sur mon site de l'unité médico-spirituelle, voilà, et que si ça peut aider certaines personnes à un petit peu mieux comprendre et à ne pas négliger nos devoirs selon l'esprit, eh bien, on aura au moins gagné une évolution pour les âmes. Alors, si vous voulez bien m'accompagner dans cette dernière prière collective, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive et que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Mère de miséricorde, tu es notre vie, notre douceur, notre espérance. Je vous salue. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi, nous soupirons, nous gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Tu es notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Marie clémente, Marie miséricordieuse, douce Vierge Marie, comme le Père vous a choisi, Sainte Marie, pour être son enfant immaculé, l'épouse de Joseph et la mère de son fils bien-aimé et de toute l'Église, dans une communion plénière aux Esprits Saints, nous vous choisissons aujourd'hui comme mère et reine de toute notre famille spirituelle, et nous vous consacrons notre âme et notre cœur, notre corps, toutes nos activités et tout ce qui nous appartient sans exception. Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle. Apprenez-nous à aimer toujours plus Jésus-Christ et notre Père, et par eux, à nous aimer les uns les autres avec un esprit de sainteté, en nous découvrant toujours plus profondément dans la lumière de Jésus-Christ. En nous respectant mutuellement et en nous choisissant chaque jour dans un amour plus divin et plus simple. Sainte Mère Marie, Mère de notre Seigneur et Jésus-Christ, donnez à chacun de nous d'accomplir chaque jour, dans un don personnel, la volonté de notre Père, pour que toute notre famille spirituelle témoigne, au milieu du monde, de l'amour de Jésus victorieux, du mal. Amen.